I'm pain, pain, pain. It's alive! En 1882, que dis-je, ouvrait l'établissement psychiatrique Cane Hill Asylum à Londres. Cet asile a vu bon nombre incroyable de patients y séjourner pour diverses raisons et souvent pour des cas très lourds. Il pouvait y avoir jusqu'à 2000 résidents en même temps par moment. Le corps médical en place avait de quoi devenir fou. des plus illustres inconnus aux noms plus médiatisés y ont séjourné. Des noms tels que Anna Harriet Chaplin, mère de Charlie Chaplin, bien sûr, y a séjourné pour double manteau, ainsi que Terry Burns, demi-frère de David Bowie. On raconte qu'avant la venue de la médecine dite moderne, que les traitements qui étaient pratiqués pouvaient par moments être considérés comme étant infligés. Cette institution, qui aurait été opérée pendant plus de 120 ans et depuis 2008 fermée définitivement, et certains pavillons n'existent tout simplement plus. Aujourd'hui, Cane Hill Asylum est considéré comme l'un des sites importants où des phénomènes de hantise à faire glacer le sang se produisent. Plusieurs ont fait des explorations nocturnes dans le but d'être témoins de ces phénomènes et la majorité auront dit avoir été servis et probablement plus que souhaités. Si je vous parle de ce lieu, c'est simplement pour faire le parallèle suivant. Malgré le fait qu'il existe bon nombre d'établissements de soins de santé mentale à travers le monde, il n'en reste pas moins que la majorité des gens dérangés sont loin d'être sous traitement et encore moins en internement. La preuve. Vous écoutez actuellement Réanimation. Oui, voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Surtout lorsque vous vous rendez compte que lorsque vous faites la file d'attente à l'institut psychiatrique pour la distribution des médicaments, que votre docteur est dans la même file d'attente que vous. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated because I, Pendragon, said so. Let's go. Minute, ladies and gentlemen, I think something is happening. And you really believe that you can bring life to the dead? Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 21 novembre de l'an de disgrâce 2017. C'est encore le mois des morts. On vient d'entendre la formation Testament, formation de Oakland en Californie, et la pièce DNR, Do Not Resuscitate, qui est tirée, c'est la pièce d'ouverture de l'album de Gathering, qui était leur huitième, qui est paru le 28 juin 99. Sous étiquette Spitfire, et qui marquait une certaine pause pour Testament de un certain nombre d'années, dois-je dire, avant la ressortie d'un nouvel album. Je pense que ça avait été 9 ans ou presque 10 qui s'était le temps qui s'était écoulé entre cet album de Gathering et la dernière parution par la suite, la première parution par la suite, devrais-je dire. Juste avant, Anthrax et la pièce Metal Thrashing Mad, pièce qu'on retrouve sur leur premier album, Fistful of Metal, qui paraît en février 84. Bon, aujourd'hui, je dois dire que même à ce jour, c'est toujours mon album préféré de Anthrax, avec, évidemment, le chanteur original, c'est-à-dire Neil Turbin, qui n'est plus avec eux depuis cet album. C'était sous étiquette Megaforce. Nous avions Metallica de San Francisco, California. Phantom Lord, tiré du premier album Kill 'Em All, paru le 25 juillet 83 sur Megaforce également. Et que dire de Metallica? Eh bien, qu'ils ont déjà été bons. Formation qui existe depuis 81, donc 36 ans, ou presque. Et seulement 11 albums. Et les gens les vénèrent. Les gens se précipitent au concert de Metallica pour acheter toutes leurs marchandises à des prix exorbitants, pour faire vivre ces enfants rois qui ne vous ont donné que 11 albums en 36 ans. Come on, guys! Et juste avant, nous avions Judas Priest de Birmingham, England, et la pièce Running Wild, version spectacle qu'on retrouve sur un excellent album, l'un des meilleurs albums spectacle du rock et du metal, Heavy Unleashed in the East, qui est paru c'est le premier live qu'ils ont fait, paru le 17 septembre 79 sur CBS. Et que dire de Judas Priest? Ah ben là, par contre, il y a des choses à dire, parce que formation qui existe depuis 47 ans, soit depuis vraiment très longtemps, c'est-à-dire exactement depuis 1970. 69, entre 69 et 70, ils avaient le nom de Fright, pour définitivement, en 70, prendre le nom de Judas Priest. On retrouve encore aujourd'hui, dans cette formation, qui a, ma foi, presque 5 décennies, Ian Hill à la basse, qui est depuis le début 70, Rob Halford, bien sûr, ce vocaliste qui a été, ce vocaliste légendaire, doit-on le dire, aujourd'hui, avec peut-être un peu moins de voix, là, c'est normal, là, qui est là depuis 73 jusqu'à 92, et qui a repris une pause pour revenir en 2003 jusqu'à aujourd'hui, ainsi que Glenn Tipton, qui est là depuis 1974. Donc, on pourrait dire que ces trois membres sont considérés comme étant la formation dite classique de Judas Priest, puisque, ben, on le sait, Keke Downing, il est parti, a été remplacé par Richie Faulkner, ainsi que le batteur original, dont j'oublie le nom, et je vais aller vérifier à l'instant, si je ne pourrais pas le trouver. Les Bink, voilà. Il y a eu Les Bink, effectivement, qui était là en 77. Dave Holland aussi, bien sûr, en 79, a été remplacé par nul autre que quelqu'un que je ne connais pas du tout, qui porte le nom de, vais-je le dire, c'est incroyable comment c'est mêlant cette histoire-là, toi. Ah, je vais l'avoir. Scott Travis, voilà, Extin Lazy, entre autres. Il y a depuis 89, quand même, il est là depuis un bon bout de temps. Hein. Donc, tout ça pour dire que Judas Priest, sont à nomination au Rock and Roll Hall of Fame. Cette institution de profonds incultes musicaux, de crétins abrutis qui sont complètement intoxiqués à la pop et aux cochonneries du genre, auront décidé de, on a le choix, là, après 47 ans d'existence, après autant de production d'albums, on va mettre Judas Priest en nomination. C'est probablement pas pour lui faire plaisir, parce que je suis certain qu'ils ne savent même pas c'est qui. On pourra encore beaucoup moins écouter ce qu'ils ont fait, les Priests. Mais quoi qu'il en soit, ils sont en nomination et vous pourrez les voter pour eux. Hein. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez. Parce que je pense que s'il y a un band parmi les groupes metal qui existent depuis tant d'années, qu'ils méritent, c'est bien eux. Ils ont amené énormément à la colonie des amateurs de metal. aux colons, aux amateurs de métal aussi. Mais ils ont ouvert beaucoup de chemin à ce que vous pouvez écouter aujourd'hui. Et j'ai vu Priest à une ou deux reprises, je pense. C'est pas extraordinaire en spectacle, parce que c'est relativement statique, à part bien sûr Glenn Tipton, qui donne un très bon spectacle, Kiki Downing qui se laissait aller un petit peu aussi, mais Rob Halford, il était un petit peu stoïque. Bon, il l'est encore aujourd'hui d'ailleurs, encore plus probablement. Mais quoi qu'il en soit, c'est un icône du métal, Judas Priest. Je dis du métal, mais ils ont débuté avec The Hard Rock, hein, faut bien le savoir, parce que si on revient depuis leur début, c'est-à-dire premier album, paru en 74, Rock'n'Rolla, c'est du Hard Rock. Sad Wings of Destiny de 76, c'est du Hard Rock. Quand ils sont arrivés avec Sin After Sin, on commençait à sentir qu'il y avait une transition vers ce qui devait s'appelait le heavy metal. Et bien sûr, avec Stained Glass, c'est devenu concrétisation. Voilà, c'est tout pour ce qui nous concerne, donc à la semaine prochaine. Ça passe tellement vite une semaine. Hein. Bon, cette semaine, trois incursions dans trois trucs qui sont des nouveautés, effectivement. Je parle de la formation Electric Wizard, formation de Somerset en Angleterre. Formation qui donne dans un Stoner Doom. Qu'on a présenté d'ailleurs Alain et moi le Rockmaster vendredi dernier. Évidemment, je vais faire jouer autre chose. Hein. Contrairement au Rockmaster, moi j'ai bien aimé l'album d'Electric Wizard. Ça va être un petit peu plus tard. Ainsi que Desolate Shrines, qui est une formation qui donne c'est dur à dire ce qu'ils font. on verra plus tard. Ainsi que la nouveauté de Cavalier Rock Conspiracy, pour laquelle je n'ai que des éloges. On va continuer immédiatement, cette fois-ci, avec une formation de Pologne qui porte le nom de Behemoth, formation qui donne dans un black death metal. Actuellement, ils ont été beaucoup plus black que ça par le passé. Formation que j'apprécie beaucoup. Formation que je trouve excessivement efficace. J'ai eu le plaisir de les voir une seule fois en spectacle. C'est très impressionnant. En fait, c'était comme une grosse tape sur la tronche, et c'est un groupe qui sont très, je dirais, originaux. On va écouter la pièce Blow Your Trumpets, Gabriel, tirée de leur plus récent album, paru en 2014, soit de Satanist. Let's go! Salut, moi c'est Alex. Tous les mardis à 21h, j'anime Matière Noire. T'aimes le métal progressif, mais t'as pas peur de plonger dans des styles plus obscurs? Cette émission-là est pour toi. Viens me rejoindre, c'est un rendez-vous. Avez-vous envie de découvrir de la musique canadienne? Venez assouvir votre soif d'émergence avec nous, Auréane Clavet et Liliane Flynn, les pas sortables, tous les mardis de 16h à 17h sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Salut, Trifluvien et Trifluvienne, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face. Là où je te fais passer du solide dans musique rock francophone. Fait qu'attache ta tuque, c'est dans ta face de 15h à 16h à la Radio Campus. C'est fou, 89.1. Vous êtes à l'écoute de Réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de 89 ou sur les ondes de Sifu 89.1 FM. Je suis Dr. Pain Pendragon et je vous accompagne métalliquement jusqu'à 21h. On vient d'entendre la formation américaine de Pennsylvania Incantation, formation de death metal, bien sûr, comme vous aurez probablement pu le remarquer, j'ose espérer, formation qui existe depuis 1989. C'était une pièce qui était tirée de leur neuvième album Vanquished in Vengeance, paru le 26 novembre 2012, soit la pièce Aerospex. Et jusqu'à date, je dois dire que Vanquished in Vengeance est mon préféré de Incantation. Avant, nous avions de Pologne Behemoth et Blow Your Trumpets Gabriel, qui était aussi sorti en mini ou EP, si vous préférez, un petit peu avant la sortie le 3 février 2014 de l'album de Satanist, qui sous étiquette Nuclear Blast, qui est aussi en date leur dernier paru au niveau de studio complet. Très bon album, dois-je dire. Je vous parle de nouveautés. Nouveauté qui porte le nom de Electric Wizard, formation qui vient de d'Angleterre, si vous voulez. Somerset, formation de Doom Stoner Metal, dont les principales influences d'écriture sont Lovecraft, H.P. Lovecraft, bien sûr, l'horreur, l'occultisme, la sorcellerie et les drogues. Formation qui existe depuis 1993 sous ce nom, c'est-à-dire Electric Wizard. On les qualifie souvent comme étant parmi les groupes ayant popularisé ce genre musical à connotation fortement doom par moment, mais avec beaucoup d'épices stoner. Une formation qui a fait paraître le 17 novembre dernier leur neuvième album, Wizard Bloody Wizard, qu'on considère étant une espèce de clin d'œil à Black Sabbath, bien sûr, pour Sabbath Bloody Sabbath, paru sur Spine Farm Records. Comme je disais tout à l'heure, on en a diffusé vendredi dernier à Rock Classic. Et c'est pas nécessairement ce que... Comment je pourrais dire? C'est pas nécessairement ce que le Rockmaster a apprécié le plus dans leur parution. Je sais que Dull Throne est un bon album qui est paru en 2000. J'avais bien aimé aussi Black Masses. J'avais peut-être un peu moins apprécié le précédent Time to Die, mais Wizard Bloody Wizard, je trouve que c'est un bon album. Je lui ai accordé une note de 8 sur 10. Moi je suis un peu vendu à ça au départ. Je suis un amateur de stoner, je suis un amateur de plus en plus, comme je l'ai dit souvent, et c'est effectivement, je redécouvre le doom, mélange des deux, je trouve ça vraiment bien. Ce que je reproche un peu peut-être au niveau de Electric Wizard, c'est au niveau du vocal. Le vocal de Joss Osborne est peut-être pour moi le maillon faible du groupe, mais je passe facilement par-dessus parce que musicalement, je trouve ça très bien. Et dans le fond, c'est un peu à l'instar peut-être de Lee Dorian de Cathedral, qui n'était pas un chanteur avec une voix très juste, mais dans le cadre musical dans lequel ils évoluaient, c'est vraiment très bien. Donc, je vous propose d'aller écouter une pièce relativement longue, pratiquement 9 minutes, tirée de Wizard Bloody Wizard, soit Hear the Siren Scream. Let's go! We'll be right back. Hey, je suis désolé de vous avoir fait attendre quelques instants de plus. J'ai eu un appel. C'est à mon ami Denis Sasquatch Bart d'Aggression qui me donnait des nouvelles de retour de leur tournée, digne de Beyrouth. Tournée d'Aggression, pan-canadienne. On avait eu le plaisir d'y voir ici dans la région de Trois-Rivières, et à Trois-Rivières même, en fait, le 10 novembre, le 4 novembre dernier, dois-je dire. Et la prestation d'Aggression avait dû être arrêtée abruptement parce que pour un malaise qui s'était tout aussi abruptement déclaré justement par le guitariste et fondateur du band, Denny Bart, avec qui je suis copain depuis une trentaine d'années. Et il m'a appelé pour me dire que effectivement ça aurait pu mal virer. Mais quoi qu'il en soit, la tournée est terminée et puis ils ont eu quand même certaines péripéties, même au retour. Ils l'ont pas eu facile tout le long en descendant vers l'est, mais vers l'ouest non plus, parce que en finissant le dernier spectacle, je crois qu'ils étaient à 4 heures de route de chez eux et les routes étaient bloquées par des tempêtes de neige. Bref, ce fut toute une aventure, semblait-il. On vient d'entendre l'information de Somerset en Angleterre, Electric Wizard, une pièce tirée de leur 9e album Wizard Bloody Wizard, qui est paru le 17 novembre dernier sur Spine Farm, soit Hear the Siren Scream. Formation que j'aime quand même dans le genre, c'est une des bonnes formations, je dois dire. Pas tout égal ce qu'ils ont fait, j'aime pas tout également non plus ce qu'ils ont fait, mais cet album, je l'aime bien. Je vous parle de la deuxième présentation de la soirée, qui est une formation qui vient de... vient de l'enfer directement, d'après moi. Qui vient de Helsinki, en Finlande. Je parle de Desolate Shrines, formation de death metal. Honnêtement, on dit death metal, je suis pas trop certain parce qu'on y retrouve d'autres influences et ça sonne un peu black. En fait, l'ambiance sonne black par moment. Les jeux de guitare aussi peuvent sonner black. Oui, évidemment, on y retrouve des consonances death metal. Mais ce qui m'a le plus frappé, je sais pas si c'est une question de qualité de production, c'est une qualité d'enregistrement, c'est un choix de type de recording, si vous pensez l'expression. On a l'impression que c'est enregistré dans une caverne. Donc, moi, après ma barre, ça me rebute un peu parce que j'ai l'impression que j'aime beaucoup être capable de percevoir les dimensions entières de ce qu'un groupe ou d'un artiste va faire au niveau de sa musique, les finesses qu'on peut retrouver dans les instruments. Ils vont dire, docteur, t'es fou, t'écoutes du death metal, on n'entend rien. Faux. Faut savoir la décortiquer, le death metal. Il y a beaucoup de subtilité dans ça aussi. J'entends quelqu'un qui râle au bout, mais c'est pas grave. Mais ici, là, c'est vraiment tout ce qui s'en dégage. C'est assez bizarroïde. Mais par contre, je dois dire que si on voulait amener une ambiance ténébreuse, ben c'est réussi. Donc, toujours est-il, je vous propose d'aller écouter une pièce de cet album de Desolate Shrine, l'album étant Deliverance from the Godless Void, qui est leur 4e paru le 10 novembre dernier sur Dark Descent Records. Je parle de la pièce Lord of the Three Realms. Let's go! Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Fidèle à son habitude, la Maison de la culture de Trois-Rivières présente une programmation 2017-2018 riche et variée. Voyez-y de la chanson avec entre autres Philippe B, Tire le Coyote, Déris, Geoffroy et Émile Bilodeau. Laissez-vous surprendre par les spectacles de danse des compagnies K-Public et Virginie Brunel. Et initiez vos enfants et vos ados au théâtre grâce aux séries Théâtre Enfant-Jeunesse et Exit Théâtre. Pour la programmation complète, consultez enspectacle.ca. Une présentation de Cogeco. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis, aujourd'hui. Je pensais que quelques verres m'aideraient à surmonter ma gêne. Mais j'étais incapable de me contrôler. J'ai fini par comprendre qu'à force de me saouler, je me retrouvais encore plus seule. Ma meilleure amie m'a suggéré d'assister à une réunion. Quand je suis entrée... La pression au travail était telle que j'ai commencé à boire pour passer au travers. Je n'aurais jamais pensé que l'alcool me ferait perdre mon emploi. À ma première réunion des AA, j'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai eu la difficulté à admettre que j'avais un problème. Chez les AA, j'ai trouvé une solution et de l'espoir. Vous êtes à Cibou. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à Cibou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Vingt heures cinq. Vous êtes à Cibou 89.1 FM et qui plus est à réanimation. Avant cette pause publicitaire, on a écouté une pièce tirée de ce quatrième album de la formation Desolate Shrine. Desolate Shrine, une formation qui vient de Finlande, Helsinki. L'album étant Deliverance from the Goddess Void, qui est paru le 10 novembre dernier sur Dark Descent Records. La pièce étant Lord of the Thrill Realms. Eh bien, écoutez, vous avez probablement pu vous faire une idée de ce que c'était. C'est assez sombre, pour le moins. C'est assez caverneux et dans tous les sens du terme. Et je lui ai accordé originalement, lorsque j'ai fait la chronique la semaine dernière, je crois que c'est une note relativement moyenne. Je vais aller revalider. Une note de 6 sur 10. Et je terminais ma chronique en disant « Je vais devoir laisser aller quelques écoutes de plus pour me faire une opinion plus réaliste et posée. Je devrais potentiellement réviser ma note. » Je ne la réviserai pas, ni à la baisse ni à la hausse, je vais la laisser comme ça. Je pense honnêtement que ça ne mérite pas plus que ça, mais ça ne mérite pas en dessous de ça non plus. Il y a certaines bonnes, je dirais, atmosphères qui s'en dégagent. Et pour moi, l'atmosphère peut être aussi importante que le reste, musicalement parlant, donc 6 sur 10, mais pas au-delà de ça. Je vous parle un peu cinéma. Avant d'entrer dans un autre vif de sujet de nouveauté, ce vendredi 24 novembre, une formation, film qui prendra l'affiche, dont le titre est The Darkest Hour, qui est un drame à connotation historique, ou possiblement même très historique, Les Heures Sombres, si vous préférez, qui est un film d'Anthony McCarten et qui met en vedette, entre autres, Gary Oldman, et qui raconte, dans les premiers jours de la Deuxième Guerre mondiale, la foi que les gens avaient dans l'Europe de l'Ouest envers ce nouveau premier ministre britannique, Winston Churchill, qui devait décider s'il tentait de faire la négociation avec Adolf Hitler ou simplement de combattre l'ennemi qui semblait vouloir prendre possession de toute l'Europe. Donc c'est un film qui risque d'être fort intéressant parce que, bon, évidemment, historiquement parlant, on sait ce qui s'est passé. Et aussi le fait que c'est bien peut-être de revoir les choses à un autre angle de ces faits historiques. Et d'autant plus que Gary Oldman, ben, c'est pas un mauvais acteur, hein? Bon, actuellement encore en salle, Justice League, je n'ai aucune idée de ce que ça peut avoir donné dans la première fin de semaine. Ben, en fait, comme entrer au box-office pour la première fin de semaine, je ne suis même pas allé voir, ça m'intéresse même pas du tout, je pense. Bref, sait-on jamais. J'ai terminé la première saison de Legion, une série fantastique, connotation science-fiction bien sûr, qui est inspirée des personnages des X-Men, par quelque part de près ou de loin, de Marvel, et qui raconte l'histoire de David Haller, qui est le fils schizophrène du professeur Xavier, celui-là même qu'on a bien vu dans, évidemment, dans les bandes dessinées de X-Men, mais bien sûr dans les films. Et qui est probablement est considéré comme étant un malade mental, alors que non, ce sont des pouvoirs qu'il a. Il serait, comme si vous préférez, l'un des premiers mutants à s'être, pas nécessairement manifesté, mais bien à avoir manifesté des pouvoirs. C'est une des séries les plus, je dirais, je vais reprendre mes mots, une des séries les plus étranges que j'ai pu visionner, aussi l'une des plus originales, déconcertantes, inattendues, mais captivantes à la fois. On ne peut pas s'attendre à rien avec Legion. Il n'y a aucun stéréotype de ce qu'on connaît des séries télévisées dites connues ou populaires, et encore moins avec celles qui se rattachent aux super-héros. C'est complètement à c'est l'antithèse de ce qu'on peut connaître dans un scénario de série télévisée. C'est complètement ce qu'on peut connaître c'est aussi l'antithèse de la façon dont les acteurs interprètent les personnages, dont la façon dont c'est filmé. Ça peut devenir facilement un très mauvais voyage ou un bad trip, si vous préférez, parce que c'est une adresse. C'est une série qui ne s'adresse pas à tous, mais loin de là. Il faut avoir un esprit relativement ouvert, voire beaucoup. Il faut aussi, je dis pas que j'ai un esprit plus ouvert que les autres, mais je suis peut-être plus aventureux que certaines personnes dans la découverte de ce qu'est le cinéma et la série télévisée. Je suis très curieux, du moins. Il faut laisser tomber tous les paradigmes qu'on a ou les attentes. Oui, voilà, il faut laisser tomber toutes les attentes qu'on pourrait avoir en quelque chose parce que ce sera définitivement pas ça. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Legion et je trouve que c'est définitivement très original. Autre truc que j'ai écouté, ça qui ne l'était pas vraiment, je parle de Amityville, The Awakening, un film d'horreur qui met en vedette une qu'on ne voit plus vraiment très souvent, Jennifer Jason Leigh. C'est un film de Frank Calhoun et qui se veut d'une certaine façon une suite, oui et non, mais les événements, ça passe 40 ans après les événements qui ont réellement eu lieu, là, en fait. Bon, il y a eu vraiment des meurtres dans cette maison à Amityville. Et c'est une mère célibataire avec sa jeune fille et une adolescente, son adolescente, qui décide d'emménager dans cette fameuse maison-là. Elle le sait que cette maison a été le lieu de crimes horribles et peut-être même de phénomènes surnaturels, mais elle ne le dit pas à ses enfants qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Et oui, il y a des choses qui se manifestent, mais c'est très lent comme film, c'est très lent. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Donc, pour faire une moyenne, vous ne le voyez pas, c'est pas grave. Vous le voyez, c'est pas dommageable, mais c'est pas un grand bonheur. Donc, Amityville The Awakening, c'est un film qui, faites pas des tours, hein, c'est ça. Et ce soir, je vais commencer, et j'ai très hâte, la première saison de The Punisher. Donc, je vous en parlerai certainement la semaine prochaine. Dernière nouveauté, présentation de la soirée. Je vous parle de cette formation qui a vu jour en 2007 en Arizona, soit Cavalera Conspiracy. Et bien sûr, il s'agit d'un des projets de Max Cavalera, cet ex-Sepultura. Cette fois-ci, il l'a fait aux côtés de son frère Igor à la percussion, son jeune frère Igor. C'est un quatrième album pour Cavalera Conspiracy. Personnellement, je suis pas un grand fan de Max Cavalera. Je parle du personnage en tant que tel. Je trouve que c'est un pauvre crétin, là. Mais je dois dire que dans certains de ses projets, Que ce soit au niveau de Kavalera Conspiracy, que ce soit au niveau de comment s'appelle déjà son autre gars? Soulfly, voilà. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont intéressants. Ben, c'est ce que je croyais que c'était intéressant, jusqu'à ce que je découvre cet album qui porte le nom de Psychosis. Psychosis qui a vu le jour le 17 novembre dernier sur Napalm Records et qui est un très bon album. Honnêtement, Psychosis est un très bon album, tellement que je lui ai donné une cote quand même fort bien de 8,5 sur 10. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on lui retrouve énormément de choses, énormément d'essence, cet album. On retrouve des pièces qui sont parfois très, quasiment, totalement industrielles. Faut aimer, bien sûr. Mais on retrouve aussi des pièces très énergiques, mais toujours avec une certaine ambiance qui s'en dégage, qui est très particulière et originale. Donc, cet album est excessivement bien produit aussi. Je vais vous proposer trois pièces qui sont respectivement la première, la deuxième et la troisième, soit Insane Terror Tactics et Impalement Execution. Voici Kavalera Conspiracy. Vous êtes à l'animation. Let's go!

The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM et ce jusqu'à 21h, c'est-à-dire encore pour pratiquement 31 minutes. Maintenant, 31 minutes. On vient d'entendre avant la pause publicitaire trois extraits de cette dernière parution Psychosis, la formation Cavalera Conspiracy, formation d'Arizona. Trois pièces tirées de ce quatrième album paru, je l'ai oublié, le 17 novembre dernier, voilà. Sous étiquette Napalm Records, on a entendu la pièce Empowerment Execution, précédée de Terror Tactics, et en ouverture Insane, qui sont respectivement les trois premières pièces de cet album, que j'ai trouvé, ma foi, fort délectable. Comme je le disais en présentation tout à l'heure, il y a environ une quinzaine de minutes, je suis pas un fan de Max Cavalera. J'ai jamais été vraiment un gros fan de Sepultura. Quoique, je dois dire qu'actuellement, le dernier album, il est fort puissant. Qui n'a pas rapport avec Max, bien entendu. Très bon album. On y retrouve plusieurs influences. Bien sûr, c'est sous la thématique du thrash metal. C'est une formation qui... comment pourrais-je dire? À tendance groove, effectivement. En fait, pour cet album-là, parce que, honnêtement, je me rappelle le Pandemonium, le précédent de 2014, Blonde Force Trauma, ainsi que Inflicted, qui était leur nom original en 2007, avant de prendre le nom de Cavalera Conspiracy. Ces deux albums-là, je ne les connais pas. Du moins, ça me dit absolument rien. Mais quoi qu'il en soit, Psychosis, je pense que c'est un album qui vaut vraiment la peine d'être découvert parce qu'il est très puissant, très efficace et très bien produit aussi. La semaine prochaine, je vais vous parler du quatrième album des Italiens de Game Over, formation Trash Metal qui existe depuis 2008. Album qui porte le nom de Claiming Supremacy. Groupe Trash Metal, comme on le dit souvent, Trash Metal, c'est oversaturé. Ça a été cousu, décousu sous toutes ses coutures, sans mauvais jeu de mots. Il y a quelques noms, par contre, qui réussissent à tirer encore le épingle du jeu sans être vraiment original, en étant efficace. Puis je pense que Game Over en ferait partie. C'est la semaine prochaine, la réanimation, quatrième parution de Game Over Claiming Supremacy, entre autres. Il y aura peut-être autre chose, mais pour l'instant, je n'en sais que dalle. On va aller faire un petit tour du côté du death metal avec une formation qui vient du Massachusetts. Je parle d'Abnormality. Deuxième album paru un 29 avril. Donc, il y en avait plusieurs par année. En 2016, Mechanism of Omniscience. J'ai étiquette Metal Blade. C'est un album que j'avais bien aimé lors de sa découverte. Je vous demande de porter une petite attention particulière au vocal parce que c'est une femme qui chante la pièce Sworn. Let's go. Between light and shadow. We'll be right back. de la Suède, la formation Iron et la pièce de Glowing Eight, quatrième album, soit Iron's Black, paru le 19 novembre 2012. C'est leur dernier actuellement, leur dernière apparition actuellement encore à ce jour sous étiquette Metal Blade. Juste avant, nous avions Aborted de la Belgique, la pièce From Beyond the Grave. C'est tiré de Retro Gore, voilà. Neuvième album, paru le 22 avril 2016 sur Century Media. Ben, des bons albums d'Aborted. Nous avons ouvert avec Abnormality, formation du Massachusetts. La pièce est en Swarm, qui est tirée de leur deuxième album, Mechanism of Omniscience, paru le 29 avril 2016 sur Metal Blade. Et surprenant, n'est-ce pas? Surprenant, le vocal de cette petite Malika Sundaramurti. C'est très impressionnant d'avoir un vocal aussi guttural et crawl de la part d'une... Ben, elle n'a pas l'air très grande, d'ailleurs, sur la photo. Ben oui, elle a beaucoup de coffres de voix. N'oubliez pas, cette semaine, dès 11h sur les ondes de Sifu 89.1 FM, et ça, c'est ici même... Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock en compagnie de mon ami Alain Lefebvre qui sera vous présenter encore le rock le plus éclaté, éclectique des ondes avec les groupes obscurs, les albums classiques, possiblement quelques nouveautés comme à l'habituel. Bref, dès 11h jusqu'à 17h, rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Aussi sur les ondes de C'est Fou, notre ami... j'ai un blanc de mémoire, mais que c'est stupide ça, je devrais aller voir immédiatement. Oh là là, quelle horreur, la mémoire, hein? Rock de Neuron, voilà. Rock de Neuron, c'est les lundis. C'est les lundis à 20h, de 20h à 21h, bien sûr, pour les amateurs de musique progressive, une émission entièrement consacrée au progressif. Aussi pour les amateurs de métal, si vous n'avez pas eu suffisamment votre dose avec réanimation, vous pouvez vous reprendre le vendredi avec Subversion, notre ami DJ Tower of Death. Les vendredis 18h30 sur Underground Québec et disponible en podcast sur SoundCloud ainsi que le blog de notre ami Sinistros, mon ancien assistant. Sinistros et le blog hurlemort.com pour ses chroniques diverses. On se laisse avec un dernier bloc qui, j'espère, on nous tente tout de le passer, je ne suis pas certain, mais on va entendre Paradise Lost, formation de Grande-Bretagne, avec la pièce No Passage for the Dead, tirée de Medusa. 15e paru le 29 mai 2015. On va entendre Acheron de l'Ohio et la pièce Concubina di Diablo, tirée de leur dernier album Called Des Asses, 9e paru en 2014 sur le Sonnebowl, ainsi que Asphyx des Pays-Bas et We Doom You to Death, tirée de Death Hammer, le 8e paru en 2012 à Century Media. Je serai là la semaine prochaine. D'ici là, allez tous vous faire foutre. Let's go. See you. Oh! Broken. You miserable.